sur ce cap. Il y a une terrible épreuve imposée par les tsars pour réaliser le chef-d'œuvre que sa future vie sera. Le nom un peu barbare qui lui a été donné cache bien ses cauchemars. La frotte de J'y a pété. Tu vas vraiment, vraiment te faire chier. Alors crie avec moi, J.A.P.T. est ta cité. La J.A.P.T. est une horrible journée. Tu ne peux pas y échapper. Tu vas vraiment, vraiment te faire chier. Alors crie avec moi, J.A.P.T. est ta cité. Pas tout seul, y'en a plein d'autres comme toi. Dont pas mal qui ont l'air débiles, tout à fait comme toi. On se pose plein de questions qui n'ont pas vraiment de lien. Les militaires sont un peu cons, ils savent pas ce qu'est un lapin. J.A.P.T. Même pas J.P. Tu vas vraiment, vraiment te faire chier. Alors crie avec moi, J.A.P.T. est ta cité. La J.A.P.T. est une horrible journée. Tu ne peux pas m'y échapper. Tu vas vraiment, vraiment te faire chier. Alors crie avec moi, J.A.P.T. est ta cité. Le mot lapin existe-t-il? N'est-il pas un produit de votre imagination? Que signifie blood? Le blaire est-il vraiment une couleur? Combien de pattes a un mille pattes d'Amazonie? Quelle est la différence entre un pigeon? Est-ce que le Père Noël existe? C'est toi qui as pété. Vraiment, vraiment te faire chier. de tes frites. Alors crie avec moi, J-A-P-D-S-H-I-T. Mal à l'œil, mais j'ai vraiment mal à l'œil en fait là. Je crois que j'ai un truc dedans. Ah, oh, une cuillère.